Les panneaux de signalisation se lisent de haut en bas. Et à quelques exceptions près, un panonceau placé sous un panneau ne concerne que ce panneau. Donc dans ce cas, je sais que l'autoroute va prendre fin à 400 mètres d'ici et que à hauteur du panneau de limitation de vitesse, je dois rouler à 110 km/h maximum. Si la vitesse était limitée à 110 km/h à 400 mètres, un panonceau figurerait sous le panneau d'interdiction. Réponse A.